est parfumée. Sinon il t'appelle. Va falloir assumer. Lâche la corporelle. Fera de la fumée. Sors une étincelle qui commence à me consumer. Je sais que tu aimes quand je prends les choses en main. Laisse-toi guider, je sais où je vais t'emmener. Pour ton plaisir, je ne remets rien à demain. Je vais tout droit me diriger vers ton point G. Je serai ton passager, mon passager. Un moment que je ne peux imaginer. Pour moi, choquer le dimanche, le moins âge. J'attends ce moment où les vols s'élèvent et que doucement les bras se soulèvent. J'y vais tendrement jusqu'à ce qu'elle s'élève, savourant avant que le jour se lève. J'attends ce moment où les vols s'élèvent et que doucement les bras se soulèvent. J'y vais tendrement jusqu'à ce qu'elle s'élève, savourant avant que le jour. Le plancher, quand tu te convaincs que tu flanches, moi je préfère te voir pencher. Attention danger, ne tente pas de me singer. On s'enroule et roule le large, joie mon bonbon, je vais te manger. Allongé, quoi qu'on en dise, je sais qu'elle est ma friandise. Est-ce par besoin ou gourmandise, tout ce que je sais c'est que ses cris en disent. Long comme ses nuits passées dans ses bras, à humidifier ses draps, abdominelle ses draps, à la jouissance, à la jouissance.